Je jaillis quand l'homme s'efface, comme des épines qui réclament la nuit. Quand je recouvre le corps, même la lune recule devant la bête.